donne le Dieu, Seigneur. Je donne le Dieu de grâce, le Dieu de Dieu, restauration de grâce, le Dieu de Dieu, Seigneur. Je donne le Dieu, Dieu des armées, donne le Dieu, Père, donne le son nom. la Yesu tunaomba. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et tunaweza shangilia Bwana. Gloire à Dieu ce soir. Fa kwa Bwana jioni ya leo. Nous allons ouvrir nos Bibles. Est-ce que tutafungua ma Biblia zetu? Actes des Apôtres chapitre 3. Matendo ya mitume sura ya 3. Nous disons merci au révérend pour la grâce et l'opportunité. Kwa baba, kwa nema na iwakati. Il nous donne de nous parler ce soir. Yanatupatia kwa ajili tuseme tena jioni. Nous disons aussi merci à vous tous qui êtes là. Nasema pia asante kwa nyinyi zote mnakuwa pa nafasi. Vous avez choisi la bonne part. Mlichagua pande nzuri. D'être dans la présence de Dieu. Yenye kujikuta mu uwepo wa Mungu. Que Dieu vous bénisse. Basi Bwana amibariki. Actes des Apôtres chapitre 3. Matendo ya mitume sura ya 3. Nous allons lire juste le premier verset. Tutasoma vesi wake wa kwanza. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Basi huyu Petro na Yohana walipanda pamoja kaluni. À l'heure de la prière. Yo ilikuwa ni wakati ya maombi. C'était la 9e heure. Basi ilikuwa ni saa 9. Depuis le dimanche, tangia siku ya juma, le révérend nous a donné un sous-thème sur lequel il nous a alitupatia shina ndogo kwenye alitufundishia. Un homme mutu pas comme les autres. Mwenye anakuwa tofauti na wengine. Il nous a dit, après la Pentecôte, David, tu peux me changer ce son, tu mets quelque chose. Il a dit, Kasema. Être un homme pas comme les autres. Parce que mutu kama sio wengine, c'est le sujet sur lequel il nous a parlé après la Pentecôte. Nous avons remarqué par ce texte de Actes des Apôtres chapitre 3, le révérend a relaté certaines vérités. Et ces vérités étaient profondes. Il est très difficile, bien-aimé, inakuwa kigumu wapendwa, de voir les chrétiens kuona awa wa Kristo, faire preuve de leur foi. Kufanya kipimo ya imani zao. Pourquoi nous disons ceci? Sababu gani tunasemezea mambo haya? Parce que lorsque nous lisons ou nous méditons la parole de Dieu, maana wakati kwenye tunafikiria au kuchunguza neno ya Mungu, nous voyons que après la Pentecôte, tunakuona ona kisha Pentecosta, les gens qui ont bougé la terre, watu wenye walitetemesha udongo, n'étaient pas aussi nombreux awa kukua wa wingi zaidi que nous le sommes aujourd'hui. Vile vile tunakuwa leo. Ils étaient 12. Walikuwa tu 12. Ils ont été enseignés. Walifundishiwa. Après avoir été enseignés, kisha kufundishiwa, ils ont commencé le travail. Wakaanza kazi. Le révérend a dit, basi baba alisema, il n'y aura pas de différence. Hakutakuwa tofauti si nous ne faisons pas de bons choix. Kama atufanye chaguo nzuri. Frères et sœurs, ndugu na dada, il est important dans la vie. Inakuwa ya muhimu mu maisha. Que chacun de nous connaisse d'abord les priorités de sa vie. Pourquoi nous sommes chrétiens? Pourquoi nous sommes appelés enfants de Dieu? Et quel est l'objectif que nous poursuivons? Parce qu'il est possible d'avoir toute la richesse de la terre, de posséder un nom élevé de la terre, mais arriver à la fin, nous avons manqué l'objectif. Nous avons manqué l'objectif. Alors, il est important, frères et sœurs, quel que soit le niveau de réunion que nous pouvons avoir, quel que soit le niveau de culte que nous pouvons avoir, chacun de nous devrait connaître la mission. Quelle est la mission de Dieu dans ma vie? Quelle est la mission de Dieu dans ta vie? Qu'est-ce que nous poursuivons en tant qu'église? Oh, j'ai beaucoup aimé. Alors, à tous ces points que papa nous a donnés, moi, j'aimerais juste ajouter deux points qui vont nous aider à prier et Dieu va nous aider. La Bible dit que Pierre et Jean montaient ensemble. Ils montaient ensemble. À l'heure de la prière. Deux choses. La première chose, Pierre et Jean, ils n'allaient pas. C'est vrai, nous, ils avaient le travail, ils avaient tout ce qu'ils possédaient, mais ces gens avaient quelque chose en commun. Et c'est ce qui faisait qu'ils étaient ensemble. La première chose, c'est qu'ils allaient au temple. Ils allaient à l'église. La première chose que je veux parler ce soir, c'est l'amour de l'église. L'amour de l'église. Ils étaient ensemble. Et ils allaient à l'église. Aujourd'hui, nous avons le temps de tout faire, sauf le temps de l'église. Beaucoup de gens, ils cherchent tout. Ils font tout. Mais ils oublient ce qui est important. Oh frères et sœurs, la venue du Christ est proche. Quel que soit ce que nous faisons, chacun de nous doit savoir que la fin est proche. Nous n'avons pas donné nos vies au Seigneur seulement pour hériter de la terre, amasser les richesses, vivre comme nous vivons. Ce n'est pas mauvais. La terre n'est pas une parenthèse vide. Non. Si Dieu a mis l'homme dans le jardin, il a cultivé ce que Dieu voulait, que l'homme puisse vivre, que l'homme puisse expérimenter certaines choses, que l'on puisse travailler, qu'il puisse survenir aux besoins. C'est une forme d'adoration. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Du moment où Adam et Ève ont péché, les choses ont changé. L'homme a le temps de tout faire, sauf le temps de l'église, sauf le temps d'aller à la maison de Dieu. Et aujourd'hui, même la perception, elle a déjà changé. Tout le monde vient comme il veut venir. Et vous allez remarquer, c'est vrai que les gens viennent, mais nous n'arrivons pas à saisir ce que l'Église réserve au peuple de Dieu. Un jour, Jésus arrive au temple. Il trouve que devant le temple, on a déjà organisé une sorte de marché. Tout le monde fait ce qu'il veut. Celui-ci vend. Les autres discutent. Toutes ces choses dans la maison de Dieu. Oh frères et sœurs, je veux dire à quelqu'un, la maison de Dieu n'est pas un marché. La valeur du temple a perdu sa saveur avec les chrétiens d'aujourd'hui. Les gens viennent parce qu'ils s'attendent à quelque chose qui n'a rien à voir avec l'église. Oh frères et sœurs, le jour du problème, tu vas pleurer, mais tu n'auras pas de secours. La maison de Dieu est un lieu d'enseignement. C'est un lieu où nous venons afin d'apprendre ce qui est bon pour nous et ce qui n'est pas bon pour nous. La maison de Dieu, c'est un lieu de correction. Je viens ici pour savoir est-ce que je suis encore sur le chemin ou je me suis déjà détourné. Frères et sœurs, ce que tu peux recevoir dans la maison de Dieu, tu ne peux le recevoir nulle part ailleurs. Il y a des choses que Dieu a réservées rien que dans la maison de Dieu. En dehors de cette maison, vous ne le retrouvez pas. Oh, ma prière ce soir, c'est que chacun de nous trouve l'amour de la maison de Dieu. Frères et sœurs, le tout n'est pas dit Église et source féconde. C'est un nom, mais chacun de nous doit comprendre qu'au-delà d'être appelé source féconde, ce lieu, c'est la maison de Dieu. Dans cette maison, c'est ici qu'il n'y a pas de différence. Oh, je suis de telle tribu. Oh, je suis grand. Non. Ici, il est dit, il n'y a ni juif, ni grec. Ici, il est dit, il n'y a ni fort, ni faible. Ici, c'est la maison des enfants de Dieu. Ici, c'est un lieu de refuge. Quels que soient les problèmes que tu peux avoir dans le monde, partout on peut vous chasser. On ne peut ne pas vous écouter. Mais cette maison réserve des privilèges que le monde ne peut pas nous donner. J'ai dit que ma maison sera appelée maison de prière. Mais vous avez fait de cette maison un lieu des affaires, un lieu de rencontres. Oh frères et sœurs, quand on n'a pas la bonne perception de la maison de Dieu, même les fondements de notre vie sont détruits. Jésus-Christ, il était encore enfant, mais la Bible dit qu'il passait tout son temps dans le temple. Le temple réserve ou regorge des ressources que le monde ne peut pas nous accorder. Jésus-Christ, Jésus Christ, notre Seigneur, Bwana wetu, notre Sauveur, Mukombozi wetu, il est né alizaliwa, pendant qu'il grandit. Wakati alikuwa na komala, il est dans la maison de alikuwa nyumbani mwa Bwana. Et vous n'allez pas écouter na amuwezi kusikia kamwe que Jésus faisait les affaires ya kusema Christo alikuwa anafanya biashara dans la maison de Dieu. Nyumbani mwa Mungu. Non, non. Hapana kamwe. Non, non. Hapana. Oh frères et sœurs, Dugundada. Salomon dit, Suleimani anasema, pendant qu'il fait la consécration du temple, wakati alikuwa anafanya tena matoleo ya hekalu, il dit à Dieu, akasema na Mungu, toutes les prières qui seront faites basi en ce lieu, ombi yote itafanyika pa nafasi, écoute et agis. Bwana uyasikie na utende. Il n'y a que dans la maison de Dieu, kuwa tu ni munyumba ya Mungu, que vous pouvez avoir les réponses, kule unaweza kupata majibu, que vous n'avez pas vu ailleurs, yenye akupata nje. Ici dans la maison de Dieu, il y a des richesses et des trésors. Ici se trouve le Saint. Ici se trouve Dieu. Avant même que nous tous nous soyons là, Dieu est là. Dieu connaît les soucis de chacun. Et ce que j'aime, il voit la foi de celui qui vient et lui accorde selon sa foi, sans distinction. L'église, Kanisa, la maison de Dieu, Yumbayabwa. Frères et sœurs, Dugunadada. Est-ce que tu aimes encore la maison de Dieu? Et tu napenda zaidi nyumba ya Bwana. Est-ce que nous aimons la maison de Dieu? Et tu napenda nyumba ya Bwana. Aimer la maison de Dieu, c'est aimer le pasteur. Aimer la maison de Dieu, c'est aimer les serviteurs. Aimer la maison de Dieu, c'est aimer les enseignements. Aimer la maison de Dieu, c'est parcourir les programmes, les suivre. Aux frères et sœurs, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 42, la Bible nous dit que les apôtres persévérait dans l'enseignement. Celui qui aime la maison de Dieu, il aime les enseignements. Vous allez voir, il y en a qui sont dans la maison de Dieu. Il se dit, non, moi, si c'est le papa là qui prêche, bon, j'ai toujours eu sommeil. Mais si c'est là qui prêche, tu n'entends rien vraiment. Bien aimé, dans ce que je parle, si tu n'entends rien. Aimer la maison de Dieu, c'est aimer les enseignements. Vous savez, comment les gens pensent qu'on fait des miracles? Non. Pour prêcher, pour ajouter ces deux points, je n'ai pas fait beaucoup d'exercices. J'ai écouté l'enseignement de Papa. Est-ce que j'ai changé de thème? Non. Papa. Être les hommes, mais différents des autres. Frères et sœurs, aimer l'Église, c'est aimer ce que l'Église donne. C'est aimer ce que l'Église produit. Beaucoup de gens, nous pouvons expliquer ce qui se passe ailleurs, mais nous haïssons ce qui est chez. Vous allez voir, quelqu'un critique toujours par rapport aux autres. Vous savez, quand j'étais en Afrique du Sud, chacun avec ses réactions, si tu peux améliorer, sois le bienvenu. Alléluia. Amen. Vous savez que aujourd'hui, il faut qu'on parle de cet amour, frère. Parce que si nous ne comprenons pas ça, nous allons transformer l'église en marché. Nous allons passer hors de l'héritage. Il y a la bonté de Dieu dans cette église. Il y a la miséricorde de Dieu dans cette église. Il y a des gens qui souffrent, qui ont besoin d'arriver dans cette église. Mais si nous n'avons pas l'amour, nous ne serons pas leur montrer le chemin. Frères et sœurs, regarde-toi. Est-ce que cette église n'a pas fait quelque chose de bien par ses enseignements dans ta vie? Il y a des choses que je pouvais faire dans le passé, mais à cause des enseignements reçus dans cette église, je ne peux plus le faire. Il y a des amitiés que j'avais à cause des enseignements. J'ai dit non. J'arrête. Un jour, j'étais malade. Je suis venu ici. On m'a imposé la main. J'ai été guéri. J'avais un problème. Je ne savais pas par où sortir. Mais j'étais dans cette église. J'ai écouté une parole qui m'a réconforté. Oh Seigneur. Oh Jésus. Aujourd'hui, Léo, où sont ces hommes et ces femmes qui comprennent ce que c'est l'église? Frères et sœurs, on ne peut pas dire qu'on aime Dieu si on n'aime pas l'église. Celui qui aime Dieu doit aimer son prochain. Et l'église, c'est une communauté. C'est un ensemble des hommes et des femmes qui partagent la même doctrine qui est la parole de Dieu. Il n'y a pas de division. Il n'y a pas de choses pour nous diviser. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu haïs ton prochain. Ils ont la parole de Dieu, frère. La Bible dit, il persévérait dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ils étaient dans la communion. Il n'y avait pas de différence entre le bien de l'autre et de l'autre. Frères et sœurs, quand dans l'église, on commence à discuter sur celui qui a et celui qui n'a pas, l'amour de l'église est déjà tard. Celui qui a, qui doit constater que mon voisin n'a pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Celui qui dit, possède, doit regarder celui qui n'a pas. La communion. Tes problèmes sont mes problèmes. Tes problèmes sont tes problèmes. Oh frères et sœurs, ils vivaient dans la communion. C'était des frères et des sœurs. Allô? Allô? Bonjour frère Marcel. Vous allez bien? Le mercredi, je n'étais pas à l'église. Quels étaient les enseignements qu'on a donnés? Voici ce que le pasteur a donné. Frère, quand vous aimez l'église, si vous avez raté un culte, vous cherchez à savoir qu'est-ce qu'on a enseigné. Parce que vous savez que l'église dépend de vous. C'est votre église. C'est mon église. Et Jésus dit, nous sommes tous membres. Quand la tête va mal, c'est tout le corps qui a mal. Frères et sœurs, que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Que Dieu nous aide. Je dis que Dieu nous aide. Sema Mungu atusaidie. Retournons au vrai amour. Basi turudirie mapendo ya kweli. Après la Pentecôte, kisha Pentecôte, on a vu le vrai amour de l'Église. Ona mapendo ya kweli ya kanisa. Les gens savaient se souder. Watu walijua basi. La cause de l'Église. Basi. C'était la cause de tout le monde. Il n'y avait pas celui qui pouvait pleurer plus que l'autre. Non. Quand il y a un souci, quand il y a un problème, qu'est-ce que nous devons faire? L'amour de l'Église. L'amour des choses de Dieu. La Bible dit qu'il persévérait dans la fraction des pains. Fraction des pains. Personne s'il y a l'autre qui n'a pas encore mangé depuis le matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh frères et sœurs, un jour je suis quelque part. Chaque fois que je me présentais au culte, là où je me mettais, la personne qui se mettait à côté de moi, bon, je vois ma moyen. Bon, il n'avait pas de moyens. À telle enceinte que, puis je regarde Malkuya, on dirait qu'il n'avait son. Bon, comme nous venons toujours à l'église comme des étrangers, donc toi-même tu te mets là, tu dis Léo, tu as fait ta culte ou aujourd'hui je vais suivre pas, parce que Viléa n'est qu'à la pandémie, ne le prenez pas mal, ça peut arriver, peut-être ça a déjà arrivé à tout un chacun. Donc et quoi pas, Mangoua, il est à tes côtés, il ne le suit pas, ses habits ne fait rien. Alors ceux qui ont un peu des ventes, ils font seulement ça. Moi j'étais là aussi. Dimanche. Un secteur du manche. Je suis sûr que si vous avez vu le pour bien qu'il a mis en train aller à tout. Aujourd'hui on n'a rien fait. Il fâche à roue en tout cas. Il y a vraiment l'odeur. Mon frère Léo Badou. Ses frères aujourd'hui là refusaient de cela. Encore en semaine. Moi j'étais arrivé, il est fâché. Quand je refusais d'aller à la place, j'ai changé ma place. Là, c'est je me suis dit que j'ai tombé dans des péchés pour rien. Bandouk. Bien aimé. Ou les frères, ça prend mouskoum. Ce frère, comme si on est en train de lui pousser. Il est venu encore à côté de moi. Anekala. Il se met là. Mais tout le monde fait. Mais nous étions en train de suivre l'équipe. Maman Vicky. Maman. Frère, je me dis que ce frère a quoi? Même si c'est quoi? Parce que mine. Si je me déplace, je pars là-bas. Na de côté, et les gens vont même constater. Ils vont constater. Alors j'ai suivi le culte tel qu'il est. Est-ce que tu nous as piqué à mon mari? Est-ce qu'on. C'est quoi culte? Non, le jour de culte suis venu, j'ai décidé, Depuis la décision, je me suis dit non. Là, je vais mettre des cachets. Parce que moi, je dois suivre le culte. Rien n'a pas chaque fois ta ibada, qu'on a chaque fois. Curieusement, parce que quoi, tout à tout, pendant que je m'aime, quoi, qu'a-t-il le cas? Le frère n'était pas à côté de moi. L'endugu est-ce que quoi, t'es n'apembeni angu? Mais balé par quoi parler? Mais les gens qui étaient aux alentours, par quoi déranger? Maintenant cette fois-là c'était difficile parce que même ceux qui étaient tout autour parce qu'il y a les autres ils s'étaient. Alors faites en sorte que par la moitié où les frères parlent ils l'ont laissé seul là-bas. Mais les gestes qu'ils ont fait. Qui ni tiens joignez moi les fans. Ma dérange. Il est humilié à ça il dit. Non parle pas c'est à vous supporter. Non il devrait même supporter. Quand on a l'angoisse c'est que ça devient difficile. Au moment où ils se tenaient debout je me suis dit que Django ne voit pas. Vous savez, c'était quoi le problème dans la vie de cet homme? Le problème n'était pas aussi difficile. Vous avez dit? Si ce n'est un savon de 500 francs. Il y a 500 francs. Il a dit, écoutez-moi, on touche à tous 500. Vous prenez juste un 500. C'est ma frère, mais écoutez, je t'aime beaucoup. La fois prochaine qu'on a fait à quoi? La fois prochaine, une fois si vous venez, vous venez ces 500 et... Il 10 000 ou des chemises. 10 000 payés au moins des chemises. Il 20 000 ou des pantalons. C'est 20 000 payés au moins de pantalons. Il 50 000 ou des chemises. Avec 50 000, tu peux les et puis les membres, elle a roufou na fani. Et le problème de l'odeur va mais se faire comment? Tout fani. Mais tous on faisait comment? Mais une fois sorti de l'église, on dit quoi? Nous avions... Non, frères et sœurs. À part Nandougou Nadal. Revenons à l'amour. Tu nous diriez ma peine de l'église, Kanisa, c'est un lieu où l'amour est partagé. Ce n'est pas un problème à une mambo de David ya Daoudi, ou de l'autre, non. Oya mwingine apana. C'est nous tous. Sisi wote pamoja. Parce que nous sommes tous le membre du Christ. Tunakuwa wote viungo. C'est lui qui a mal. Mwenye anaumiwa. Présente une douleur dans ton corps. Dis-toi ce que tu peux faire. Et ce que tu fais, Jésus le dit. Christo, chaque fois que vous le ferez, à l'un de plus petit que moi, c'est à moi, Christ, que vous l'avez fait. Oh misérables que nous sommes. Combien de fois nous nous sommes moqués? Combien de fois nous avons fait des choses pour plaire aux autres, mais pas à Dieu? Oh frères et sœurs, frères et sœurs, frères et sœurs, revenons au vrai amour de Dieu. Les hommes, what, différents des autres. Wenye wanakotafauti na wengine. Ils avaient l'amour de l'église. Walikuwa na mapendo ya kanisa. Ils savaient que l'église, ya kusema kanisa, ce n'est pas seulement les bâtiments. Dès le jour où Christ va revenir, siku yenye Christ atarudi, tous ces bâtiments seront détruits. Ça va rester. Itabaki ya tu. La vraie église, lakini kanisa ya kweli, c'est mon frère. Ni ndugu yangu. C'est ma soeur. Pia dada yangu. C'est ça la vraie église. Ni hii kanisa ya kweli. Oh bandu, bien aimé. Pourquoi avez-vous fait sababu gani mulifanya de ma maison ndani ya nyumba yangu un marché? Kuwa soko. Oh ma prière ce soir. Basi, ombi langu jioni. Revenons. Turudiri. Au vrai amour de l'église. Ma pendo ya kweli ya kanisa. Frères et sœurs. Tukuna dada. Quand je suis baptisé. Wakati nilibatizwa. Quand on me dit que je suis devenu membre. Nilisema nikawa kiungo. La première chose. Kitu kya kwanza. Qui anime mon cœur. Yenye inakuwa tena natilia moyo. Qu'est-ce que je dois faire? Ni nini napasa kufanya? Pour Dieu. Kwa ajili ya Mungu. Dans l'église. Ndani ya kanisa. Un prophète. C'est pas un prophète. Oh, il faut me prophétiser. Non, faut me prophétiser. Non. Apana. Non, frères et sœurs. Il est ni bon. Aujourd'hui, Léo, c'est déplorable. Yenye na kote na d'entendre ya kutikia que quelqu'un veut servir Dieu. Anapenda kutumikia Mungu. Mais on lui dit, lakini mwonesha. Viens d'abord la semaine prochaine. Kuya na my child. Vois d'abord celui-là. Wende wangarie ule. Banduku. Bien aimé. Mutwe kona zunguluka. Une personne qui fait de tout. Anatoka panenda. Ikitisil pala. Anatoka panenda. Là-bas et pas encore. Tu es libre. Pourquoi? Tu as kutafuta kumuntu mikiamu. Je sais comment ça. Oh frères et sœurs. Buguna dada. Avez-vous oublié? Eti muna sao. Le champ est vaste. Otena shamba ni mkubwa. Mais il y a peu d'ouvriers. Lakini watenda kazi. Mais si y en a. Akama wengo. Qui veulent servir. Wengo na peine. Pourquoi je dois le refuser? Église, revenons à l'amour de Dieu. Ils étaient ensemble. Leur souci, la maison de Dieu. Tant qu'ils ont réglé tous ces problèmes, même leur prière était efficace. Vous savez bien aimé, nous sommes devenus des personnes qui s'excusent à chaque moment. On dirait que tout n'a pas c'est comme si nous venons à l'église parce que nous avions des responsabilités. Il y a quelque chose qui devait soutenir notre présence à l'église. Il y a quelque chose en nous. Qui devrait commencer à nous parler. Cette chose produisait la soif. Quand je ne suis pas dans la maison de Dieu, quand je n'ai pas été dans cette maison, on dirait que j'ai un problème. Je dois être dans la présence. Je dois être dans la maison de Dieu. Jésus dit à Marie, parce que Jésus en a moins bien Maria, tu as choisi la bonne part. Aujourd'hui, frères et sœurs, l'église Kanisa doit revenir au centre de nos vies. L'église Kanisa, ce n'est pas un élément qu'on doit ajouter. Non, nous devions vivre de cela. L'église, Kanisa, un lieu de privilège. Fazitena ya fazili. L'église, Kanisa, un lieu fazile de rencontre avec ya makutano na Mungu. Quand je suis détruit, wakati na ribishu. Quand je suis abattu, wakati na kuatena na shindi. C'est un lieu de réconfort. Na fwa na fazitena na nitili ya moyo. La maison de Dieu. Nyumba ya Mungu. C'est ici dans cette maison. Apandani ya nyumba I. Où on n'a pas besoin de connaître le mal que vous avez fait. C'est ici. C'est ici où Jésus a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, c'est ici. Dieu a fait de Jésus le chef de cette maison. C'est lui qui conduit cette maison. Impossible de dire qu'on aime Dieu et qu'on n'est pas dans les choses de l'église. Les choses de l'église devaient faire objet de notre évaluation. Comment je le sais? Je le sers parce que je suis habitué. Ou c'est devenu quoi? Oh mes frères et sœurs, rassurez-vous. Cette maison est une maison qui va récompenser la vie de quelqu'un. Aujourd'hui, c'est peut-être rien. Mais moi je te dis la vérité. Ce que tu fais sera objet de récompense. J'ai envie de dire à quelqu'un, après la Pentecôte, qu'on ne te force plus. Qu'on ne te force plus. Après la Pentecôte, kazi ya Mungu, l'œuvre de Dieu, basi kusukume, qu'on te force, basi kusubutishe, qu'on t'exhorte pas, fanya kazi ya, fais l'œuvre de Dieu, fanya kazi ya, fais l'œuvre de Dieu. Usikale, ne reste pas là. Obe kuna indekuraje, on est en train de me décourager. Obe kuna nisema, on est en train de parler. Frère, ta récompense t'attend. Malipo yako inakuchunga. Travaille. cours, avance, Dieu va te récompenser. Alléluia. Amen. Oh, ma prière ce soir. Ma ombi yangu mangaribia le. L'église sous seconde. Kanisa chum chum lausa. Revenons. Turudiri. Au vrai amour. Kuma pendo ya kwe. De l'église. Ya kanisa. C'est ton frère. Nduku yako. C'est ta sœur. Na huyu ni dada yako. Celui qui ne vient pas à l'église. Kuye kukan. Qu'est-ce que tu fais? Ninin uko nafa. C'est facile de ni dire. Nikepe si tu. A tu y aller? Ne sont pas nombreux. Je ne viens pas. C'est bien. Ni bien, ni mousour. Mais toi, mais tu es. Celui qui ne vient pas, c'est ta main. Celui qui ne vient pas, c'est ton pied. Celui qui ne vient pas, c'est ton œil. Oh frères et sœurs. Dieu, Mungu, Dieu, Mungu nous demandera certaines choses. Ils n'étaient pas nombreux. Awakuku wengi. Mais ils ont agi. Lakini walitenda. Toi aussi agis. Na weye tenda. Pour l'amour de ton église. Kwajili ya mapendo ya kanisa. Est-ce qu'on peut acclamer? Et tu naweza chapa kofi. Dis avec moi, j'aime l'église. J'aime l'église. Je servirai le Seigneur. Je servirai le Seigneur. Autrement, différemment des autres, différemment des autres, dans le couloir de mon appel, dans le couloir de mon appel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Oh frères et sœurs, que personne ne te sépare de l'amour de ton Dieu. La deuxième chose, c'est que j'ai aimé. La Bible dit ils allaient au temple à l'heure de la prière. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? À l'heure de la prière, Jésus dit, ma maison est une maison de prière. Frères et sœurs, tu veux être différent de tous les autres. Tu veux agir différemment. Sois un homme de prière. Prie le matin. Prie à midi. Prie le soir. Prier, c'est échanger avec Dieu. Prier, c'est chercher à connaître ce que tu attends de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi ça ne change pas. Les apôtres ont été différents parce que eux, ils avaient une arme. C'était la prière. Ils savaient avec la prière, quel que soit mon problème, j'aurai la solution. La prière était comme un moyen de démontrer à Dieu que nous avons la foi. Parce que Jésus dit, tout ce que vous me demanderez, croyez que vous l'avez déjà reçu. Mais pour manifester la foi, il faut la prière. Pourquoi la prière? La prière t'entretient. La prière nous entretient avec Dieu. La prière nous rapproche de Dieu. La prière nous donne un style de vie que le monde n'a pas. Celui qui prie, il est orienté. Celui qui prie, il est attaché à sa mère. Celui qui prie, il cherche la volonté de Dieu. Et celui qui prie, il trouve grâce aux yeux de Dieu. Après la Pentecôte, après que j'ai reçu l'Esprit, oh frères et sœurs, la vie de prière doit changer dans ta vie. La vie de prière doit être un élément que personne ne peut te donner. Aujourd'hui, les gens ne sont pas différents parce qu'ils ne sont pas sérieux avec eux-mêmes. Qui a dit que Dieu ne veut pas te guérir? J'ai aimé, après la Pentecôte, parmi les miracles qui sont accomplis, les premiers miracles, c'était la guérison. Oh, je veux dire à quelqu'un ce soir, quelle que soit ta maladie, ce soir, crois par la prière, Dieu peut te guérir au nom de Jésus de Nazareth. Quelle que soit ta maladie, Dieu peut te guérir. Ils étaient ensemble, ils allaient au temple, à l'heure de la prière, ils ont dit à cet homme, nous n'avons ni or, mais ce que nous avons, aujourd'hui, lève-toi, marche. Combien de temps il a fait avec la maladie? Je ne sais pas. Mais je veux dire à quelqu'un, je crois que Dieu veut nous annoncer une saison où nous allons prier et nous allons voir les résultats. Aux frères et sœurs, à l'heure de la prière, ils sont partis. Vous savez, quand il y a la prière, il y a la présence de Dieu. Dieu descend. Parce qu'il sait que ces gens ont choisi de remettre leurs responsabilités entre mes mains. Je ne peux que agir. La prière a agi. Celui qui était malade a été guéri. Oh frères et sœurs, la guérison existe. La guérison existe. Frère, la guérison, elle existe. Ça dépend de ce que tu crois. Ce jour-là, c'était différent. Parce que cet homme a rencontré les hommes différents de tous les hommes. Je veux dire à quelqu'un, le temps est arrivé où nos mains doivent saisir, doivent servir à quelque chose. Combien de fois nos mains ne servent pas? Combien de fois? Combien de fois là où tu devais imposer la main, la maladie s'est terminée. Nous sommes en train de craindre. Après la Pentecôte, ces gens ont compris que par la prière, même le malade peut être guéri. Pourquoi ils n'avaient pas peur? Du pauvre, c'était un grand risque. Mais ils étaient tellement convaincus. La prière vous convainc exactement de ce que Dieu veut faire. Frère, dans la maison de Dieu, il faut savoir saisir. Je prie ce soir que celui qui est malade reçoive la guérison au nom de Jésus de Nazareth. Frères et sœurs, ma prière ce soir, puisque tu es dans le temps où je toque et nous allons faire la prière de la guérison. La Bible dit, par ses maîtrises, nous avons été guéris. Il y a des gens qui sont malades, infectés dans le sang, malaria répétée, douleur répétée. Il y en a qui ont des problèmes au dos, il y en a qui ont des problèmes aux pieds, il y en a qui ont des problèmes des yeux. Je vous dis ce soir, ta prière peut t'accorder la guérison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh frères et sœurs, ces gens, ils ont marché avec des princes. L'amour de la maison de Dieu, la communion fraternelle, la fraction des pains, ensuite la prière. Après la prière, il y a eu la guérison, il y a eu tout ça. Il y a des choses peut-être qu'on recherche, on n'a pas encore vu, parce qu'il y a certaines choses qu'on n'a pas encore respectées. Mais je te dis, retourne au vrai amour. Retourne au vrai amour. Retourne au bon sens. Le Dieu de la Bible, le Dieu de cette église, ne va pas laisser ton cas tel qu'il est. Il va te guérir. Il va subvenir à tes besoins. Il va te donner à manger. Il va te donner le travail. Il va te donner tout ce qu'il faut. Du moment où tu connais ce qu'il faut faire pour lui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh. Oh, j'aime le Seigneur. La peine d'avoir. Ce soir, nous voulons prier. Frères et sœurs, tenons-nous debout. Oh. La première des choses que Dieu donne à cette église, que Dieu donne à chacun de nous, que Dieu donne à chaque membre de cette église, l'amour de cette église. Frères et sœurs, l'amour de l'église, c'est connaître où est ton frère, c'est connaître son problème, c'est connaître ce que tu peux faire pour l'aider. Ce n'est pas se moquer. Que Dieu ramène le vrai amour de l'église. Aimer les enseignants, aimer les serviteurs. Oh frères et sœurs, c'est important. Nous voulons demander à Dieu que chacun de nous, que Dieu fasse un miracle, que tout un chacun de nous aime l'église. Élevons nos voix. Commençons à prier le Seigneur. Dis-le à Dieu. Ma peine de l'amour. L'amour de Dieu. Ma peine de l'akanis. L'amour de l'église. Que Dieu ramène. C'est vrai que les gens ont des problèmes. C'est vrai que les gens souffrent. Il y en a qui sont découragés. Mais que chacun revienne au bon sens. L'amour de Dieu. L'amour de sa présence. L'amour de sa parole. L'amour des enseignements. L'amour. Au nom de Jésus. Oh, je prie ce soir, au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit, accorde-nous la grâce d'être des hommes différents de tous les hommes. Nous voulons aimer notre église. C'est cette église que tu nous as donnée. Nous n'avons pas d'autre. Tu nous as appelés ici pour te servir, être dans ta maison. Oh Jéhovah, pardonne-nous pour chaque fois que nous sommes éloignés. Mais nous te prions, fais-nous grâce, fais-nous grâce, fais-nous grâce, chacun selon son domaine, à revenir à l'amour de cette église. Ils étaient ensemble, ils allaient au temple. Oh, je prie ce soir, je prie ce soir. Kati, kati, l'amour de l'église au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Oh Saint-Esprit, guérison. Quel est ton problème? C'était à l'heure de la prière. Ils ont prié. Ce qui était impossible est devenu possible. Ce soir, que ce qui est impossible dans ta vie devienne possible. Élève ta voix. Commence à prier le Seigneur. Quel que soit le problème, crois que c'est possible. La prière, la prière, la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Que Dieu te donne la guérison. Que Dieu accorde la délivrance. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Oh, Satan, la force. main. Nous voulons exercer notre foi ce soir. Je veux le dire comme Pierre. Je n'ai ni or, ni argent. Mais ce soir, j'ai un Dieu qui peut te guérir. C'est pourquoi je le déclare. Toi qui avais mal à ta jambe, toi qui avais des douleurs au dos, toi qui avais des problèmes de muscles, toi qui as des maux de tête, maintenant même, reçois la guérison au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu guérisse ton corps, que Dieu guérisse ton sang, que Dieu guérisse tes muscles, tout ce qui ne marchait pas. Je le proclame au nom de Jésus-Christ. Reçois la guérison au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire au Seigneur.